Hein? C'est le 2, 6, 9, 1, 3. Je côtoie beaucoup de gens malhonnêtes. C'est des suiveurs, c'est des marionnettes. Mademoiselle veut être une star du net. C'est pas une pute, c'est une petite carbounette. En buvette, un bal vers la Joliette. Sache qu'un trait, ça peut être ton ami. J'ai encore des tubes sous la main. Si je sors tout d'un coup, je provoque un tsunami. J'suis encore là, étonnamment. On a mis le plein dans la calouette. Y'a des rats, des vatos en bas de chez toi. 6, 9, 1, 3, la vendetta. Y'a la frappe de paillettes de Paqueta. J'suis Khali, j'suis Bruncha. J'suis versant ta lucha. Wesh alors les chuchas. Ça veut tous la belle vie. Pas dans le réel, à l'ancienne sur la quête. Le tampon du réel. Maintenant ça me reconnaît dans toutes les ruelles. J'réponds merci le S. Voilà, tu me régales. On dégaine par la street. Plus la cause que Gucci. Elle est culottée la petite. Elle veut de la grégousse et des sushis. Y'a toujours dans une équipe un mec qui parle, un mec bizarre. Y'a toujours un féminique. Mais cette année je vais leur faire du sale. On dégaine par la street. Plus la cause que Gucci. Elle est culottée la petite. Elle veut de la grégousse et des sushis. Y'a toujours dans une équipe un mec qui parle, un mec bizarre. Y'a toujours un féminique. Mais cette année je vais leur faire du sale. C'est le béton, on t'allume ta mère, toi t'as sécu. Je suis vainqueur, t'es vaincu, je suis pété, je m'arrête plus. À 45 tout noir, en croco, pas de Dior. Ramène plus de pilleurs, la beuh, la frappe, ça nous canalise tous. Hamster, marbé, ça fait aller et retour. Des grosses barrettes, ça fait marcher les fours. Des grosses barrettes, ça fait marcher les fours. On est scotché là, ça fait des années. T'as changé avant, t'étais la famille. Le quartier, la zone, ça m'a pas fané. J'ai la grinta comme Sadio Mané. J'fais des sous et des showcases. J'colle pas les petites, c'est pour ça que t'es choqué. C'est la guerre dans la zup, mais pas des bouteilles. J'arrive en équipe comme d'hab quand c'est open. J'te fais un gauche-droite quand j'ai Robin. J'ai toujours pas changé le rôle, j'suis toujours à la 6-9. J'ai pas suivi la moche, j'toucherai jamais ta sister. Même après une soirée, tout pété vers le cristal. On dégaine par la street. Plus la cause que Gucci. Elle est culottée la petite. Elle veut de la grigousse et des sushis. Y'a toujours dans une équipe un mec qui parle, un mec bizarre. Y'a toujours un féminique, mais cette année je vais leur faire du sale. On dégaine car la street, tout ça cause que Gucci. Elle est culottée la petite, elle veut de la grégousse et des sushis. Y'a toujours dans une équipe un mec qui parle, un mec bizarre. Y'a toujours un féminique, mais cette année je vais leur faire du sale.